Konungariket Sverige. Konungariket Sverige. Je suis le verre et je suis la chair. Je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Chaleur étouffante de ce mois de juillet 2020, la région parisienne, les embouteillages, la saturation de l'air, les indices disséminés par la météo qui nous parle d'un climat dans un état de délabrement avancé, pour rejoindre le riant royaume de Suède et y retrouver votre cousin, l'écrivain, le jeune écrivain Joris Carl Conan. Dans l'avion, vous avez eu le droit à habituelles fictions, à perdre un peu votre temps à regarder l'écran, à jouer sur votre console, à regarder vos courriels sur votre téléphone, tout ce qui fait l'ordinaire d'un vol européen dans l'espace de Schengen. Même si cet espace se trouve restreint, amoindri, modifié par les aléas de la médecine mondiale et de la pandémie de la grippe. Enfin, c'est plus une grippe aviaire, c'est plus une grippe porcine, mais c'est une pandémie tout de même. Et on circule avec des masques désormais dans les grands centres urbains pour se protéger des atteintes du coronavirus. C'est pas coronavirus, c'est pneumonie de Wuhan, le nom commun. Et sinon, il y a le nom de la molécule. Voilà, c'est tout pour la remarque chiant. Quoi? Sérieux, tu veux que je dise à l'oral? Et pas coronavirus, c'est la pneumonie de Wuhan, je crois. Et sinon, il y a le nom, c'est COR. Avec une lettre tirée 2019 ou 2020. Enfin, oui, bref. L'identification qui a été validée par... Parce que techniquement, coronavirus, c'est tout, même les rhumes. Enfin, c'est tout ce qui roule à la branche, dans la branche du rhume. Oui, bref. C'est même ton domaine d'expertise, n'est-ce pas, Adrien? Ouais, pas Mathieu, Adrien, ouais. Mathieu, il s'est juste renseigné sur deux sites à la con. Donc, c'est bien ton domaine d'expertise, Adrien? Oui. Et justement, toi qui travailles pour un laboratoire de recherche affilié à OCP Répartition, les magnats de la pharmacopée française, tu pars en voyage d'études, tout frais payé en Laponie. T'as fait jouer le CA pour emmener tes petits cousins et profiter. Ah! Le séminaire se déroule début juillet, c'est parfait. J'ai le temps de me caser un petite balade, une excursion. Comment ils disent dans la langue ? Une ou un, Ralars. Ralarsgen. Je l'ai mal prononcé, c'est ça ? Ralarsgen. Sgen. Ralarsgen. Presque. Boucle une petite excursion dans le parc de Modos, l'un des plus vieux parcs que compte le brillant royaume de Suède. Lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport de Loul, après une brève pause dans celui de Stockholm, effectivement, le soleil est au rendez-vous, les arbres, les fleurs, ondoient sous un vent agréable qui dissipe les chaleurs étouffantes que vous avez connues à Paris. C'est plaisant de voyager léger. Qu'est-ce que t'as emporté avec toi, Oscar ? Ah, la famille Millepoix t'a pas lâché sans ta petite bonbonne contre l'asthme, non ? Ou tu as fait exprès de l'oublier sur ton bureau ? Je l'ai pris au cas où. J'ai pris une bouteille d'eau, une boîte de gaufres et un calepin où je fais mes dessins, mes croquis aussi, avec une pochette de feuilles et une trousse avec mes crayons, gomme, une taille crayon, crayon couleur, feutre. Et t'as pris l'anorak, le grand manteau, le bonnet, les gants comme te l'avait demandé ta maman. J'ai pris mon pull, mon gilet, mon manteau, un cache-nez. Je mets pas de bonnet, je mets ma capuche et je mets mes gants. Ah, t'as oublié ton bonnet. Exprès. Ah, parce que il est tout pointu le bonnet qu'elle a choisi, maman Odette. Alors, Et puis c'est ridicule pour ma tenue, bien connue, sweat, lunettes jaunes. Ah, t'as des lunettes aussi pour la neige ? Des petites lunettes rondes ? Des lunettes rondes de protection. Et Leslie, toi, qu'est-ce que t'as emporté dans ton sac ? Et j'ai aussi un cache-nez. Pas grand-chose. Ouais, t'as pris tes gants comme d'habitude ? Oui, ça c'est tes naturel. Tes gants, ça. Ton écharpe. Un cache-nez, oui. Ouais. Tes chaussures de marche. Oui, et un masque. Et un manteau. T'as pris ton masque, j'ai tout. Ton manteau, un duvet, t'as ton... Je pense pas que j'en aurais besoin ici. Hein. J'aurais cru. Tu fais pas d'allergie ? Non. Non ? Non, c'est un masque à part qu'elle porte souvent. Ouais, à l'escale de Stockholm, il y avait assez peu de monde qui se rendait à Loul. En fait, il y a trois personnes qui sont montées à bord. Un vieux bonhomme qui sentait la sueur, avec qui vous n'avez pas discuté. Enfin, vous avez peut-être adressé la parole, mais il a l'accent du cru. Et puis, manifestement, il ne parlait pas un très très bon anglais. Et encore moins le français, naturellement. Peut-être que c'est un chinois. Quoi ? Non, c'est un vieux monsieur barbu, ventripotent, probablement quelqu'un du cru. En revanche, il y a un asiatique avec un masque, un toupet de cheveux, comme on en faisait encore il y a 2-3 ans, quand c'était la mode, à moitié gominé sur le côté. En tout cas, moi j'ai toujours les cheveux en pétard. La cinquantaine, un vieux quoi, un vieux... Avec le teint un petit peu brouillé, enfin, ce qu'on en devine derrière son masque. Et on lui a réservé une place à l'arrière dans la classe éco. Ouais, racisme ordinaire, quoi. Voilà, il a été relégué à l'arrière de l'habitacle et les hôtesses à bord de gentils Sam ne se sont pas précipitées pour le servir. Là, j'imagine qu'ils étaient plus à le fuir. Toi, tu as accompagné tes cousins, ils n'étaient pas en classe enfant. Tu les as été les chercher à Paris. Oui, c'est plus simple. C'était plus simple. Enfin, pour eux surtout. Oui. Pour moi, non, c'était un détour. Mais est-ce que tu as envie de les partir en route pour du voyage, toi, pour lire le pensum qui t'a été envoyé par courriel, un PDF de 550 pages sur une étude épidémiologique qui va être en fait l'objet du séminaire de la fin juillet. Étant donné que c'est l'objet du séminaire, je t'avoue, je peux difficilement y couper. Et donc, tu t'es plongé dedans ou t'as écouté ce qu'avaient à te raconter tes cousins Je pense que je les ai écoutés pendant une heure, le temps qu'ils me racontent leur... Donc, une fois arrivé à Stockholm, tu as commencé à ouvrir ton PDF, qui a mis du temps à charger. Je l'ai téléchargé pendant qu'ils discutaient, pour pouvoir le consulter effectivement à Stockholm. Je suis pas débile non plus. 550 pages, c'est lourd. Surtout s'ils mettent des schémas toutes les 3 pages. C'est ça, il y a énormément de schémas sur les chaînes des photos qui ont été prises en haute résolution. les photos en haute résolution, ça pardonne pas. Voilà, donc il y a énormément de liens dynamiques dedans. En fait, il va te falloir des heures et des heures. T'es sûr que c'est pas 2 jours Probablement. Le séminaire, il dure combien de temps? Il dure une semaine. Eux rentreront, mais toi, tu vas travailler activement pendant. Oui, d'accord. Fais gaffe. Pendant le séminaire d'une semaine, c'est des congés. A posteriori, c'est du boulot. Ouais, pendant le séminaire, c'est du boulot, et avant, t'es en congé. Oui, non, mais voilà, la semaine où je suis avec ces deux-là, c'est du congé. C'était en congé. Oui, donc je peux prendre les 7 jours pour lire mon PDF distraitement. Voilà. Ok. C'est ça. Bon bah du coup, j'essaie de m'arranger pour avoir un rythme de lecture régulier, histoire d'être sûr de l'avoir effectivement terminé, on va dire, au bout de 6 jours. Mmh. On a... C'est envisageable ? Oui, oui. Okay. Bah, là, les règles se sont durcies au regard de la circulation des personnes. Comme je le disais, même si on est dans l'espace Schengen, vous avez eu le droit à une prise de température à l'arrivée à Stockholm, avant de monter sur la ligne Luleå. Là, en revanche, pas de prise de température, vous êtes monté à bord tel que, en revanche. On a passé un appareil, pas en prise thermique, mais là, ça t'a surpris, un appareil extrêmement sensible, de haut prix, ce qui équipe plutôt les hôpitaux de campagne, et les hôpitaux spécialisés qui ont été déployés depuis le début de la pandémie en janvier. Ce serait quoi les appareils ? C'est un appareil de mesure thermique qui permet de capter une image thermique en instantané et d'avoir une image comme on pourrait prendre une cartographie de... D'accord, c'est comme... du corps humain dans sa totalité. Oui, mais c'est une caméra thermique haute résolution mais miniaturisée. Qui tient dans la paume. Et c'est l'hôtesse de Luleå qui la passait comme ça, et sa collègue était avec son téléphone à regarder, et ensuite on voyait l'image, une fois qu'elle l'a captée, on voyait l'image à un centre de données. Petite question méta, il y a vraiment des compagnies aériennes qui en sont à ce stade? Documente-toi, tu verras. Je vais prendre ça pour un oui. Fin de la question méta. Toi, ça t'a sans doute interpellé de voir comme ça une image de tes cousins extrêmement détaillée sur la photo. Non ? Oui. Est-ce que t'as demandé aux jeunes dames de t'envoyer sur ton téléphone une image de... ton image à toi ou celle de tes cousins ? Ah, si. Moi, je peux leur demander la mienne. Ça peut toujours servir. Alors, l'échange se fait dans ton anglais... Approximatif. Approximatif, et ils ont du mal à comprendre... ce que je veux. Ce que tu veux. Non. My private. Non. Oh, Pierre. Non. J'ai l'air agacé, je vais m'asseoir. Manifestement, elle... Rétrospectivement, peut-être qu'elle croyait que tu voulais avoir son 06 ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment pas doué. Sa photo à elle, si tu pouvais prendre une photo à côté d'elle. Elle a manifestement pas compris. Est-ce que tu peut-être ton grand cousin qui a pas l'air doué en anglais? Mais je suis nul en anglais. Ah, comment tu vas faire en Suède? Ton personnage est vraiment nul en anglais? Je sais pas. Alexen, si ton personnage... Attends, t'as vraiment écrit ça comme ça? Avec un accent. Non, je suis nul en anglais, en français. Mais non, c'est juste du vocab, t'en fais pas. Je vais m'en sortir. Non, je suis très nul en anglais, je suis pire que... Oui, mais ton personnage, est-ce qu'il... Ton personnage, il est pas forcément nul en anglais, il peut être bon en anglais. Mais je sais. Justement, là, c'est juste est-ce comme que... le personnage ressent... Est-ce que ta passion pour les traités... t'as poussé à... Pour les traités anatomiques, tu t'as poussé à lire des ouvrages autres que les ouvrages français présents dans ton lycée. Oui. Et de ce fait, tu en es venu à regarder des émissions de praticiens qui intervenaient à cœur ouvert en anglais, et t'as une certaine fluidité maintenant avec l'anglais. Même si c'est... C'est avec toi-même que tu parles la plupart du temps. Est-ce que tu te sens assez à l'aise pour interpeller la jeune hôtesse de l'air? D'accord, je vais essayer. La voyance avancée, je reste à côté d'elle le temps qu'elle explique. Hein. Mon action partait du principe que personne d'autre n'interagissait. Tu lances le dé. Tu lances le dé. Là-dedans, si tu veux. Comme ça évitera de voler. 0-0. Allez. Langue 10-10. Et là, c'est sous logique. Ah. 5 inférieur. Donc tu. Pire que moi. Baragouin. Alors, je vous ai pas demandé, mais on joue en transparence. Bon, pour la suite, on joue en transparence ou non? Comme vous préférez. En transparence. Ça veut dire que vous, en tant que joueuse, vous connaissez les résultats cachés. Et ça introduit une ironie dramatique. Vous savez des choses que ne connaît pas votre personnage. Pour moi, c'est plus immersif quand c'est pas en transparence, mais... Vous choisissez que ce soit pas en transparence. Et donc, par exemple, là, on ne sait pas. Tu sais pas si t'as bien compris ou si elle t'a bien compris. Je suis nul, hein. En fait, justement, la transparence, ça peut être moins frustrant pour les joueurs qui connaissent le système, comme ça ils savent tout ce qui se passe, mais il faut à côté réussir à mieux faire la distinction entre son personnage et soi-même. Ouais. Alors que si tu joues pas en transparence, t'as plus de facilité à garder cette différence, vu qu'on te donne le résultat seulement. Le résultat, on dit pas réussi, raté, justement. C'est le défaut des joueurs qui jouent en transparence, mais sans savoir distinguer eux de leur personnage. Alors. Donc c'est comme tu que préfères. Fait-on. Transparence ou pas transparence? Moi, je suis partisan de transparence. Un transparence, un non transparence. Oui, mais moi, je compte moyennement. Donc... Neutre. Non, mais est-ce que tu veux avoir connaissance quand c'est un jet caché qui dépasse ta compétence du résultat, ou au contraire, tu es juste confronté au résultat et tu joues l'impact sur ton personnage? D'accord. Donc c'est moi qui, dans ce cas-là, lance les dés. Puisque c'est moi qui dois connaître si... Mais faut relancer les dés, vu que c'est pas toi qui l'as fait. Non, le premier résultat, on le prend en compte, sinon ce serait... Non. C'est ce que je viens de faire. Ah. C'est ce que j'ai fait. Tu discutes un petit peu hésitante, tu expliques... Elle se met à rougir. Je croyais que votre frère voulait mon numéro personnel, qu'il avait bégué pour moi et que c'était un gros dragueur. Vous savez, on en a plein sur la ligne et puis ils se disent souvent que on est des pauvres Sam, alors en fait, je suis même pas Sam, je suis suédoise, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr, je peux vous envoyer la photo et si vous me donnez y compris l'adresse de votre cousin, je pourrais lui communiquer son adresse. Mais pour qu'il ait sa photo thermique, comme vous. Il file une adresse email, on s'en fout de laquelle. Et donc, vous recevez. Tu m'appelles. Et vous recevez aussitôt en haute résolution via votre smartphone. Et ça prend 3 heures à charger. Oui, c'est très long et la liaison est assez faible sur cet espace. Mais ça vient. On vous invite bien évidemment à couper vos portables et elle ironise, elle te fait un clin d'œil et elle dit mais de toute façon là où nous allons, il n'y a pas de réseau, rassurez-vous. J'ai compris ce qu'elle a dit. Non. Je lui demande. Traduction. Ok ouais. Google. Ok Google, je veux bien la traduction. Elle dit de toute manière là où on va, il n'y a pas de réseau. Je télécharge tous les liens dynamiques. Donc tu passes ton vol à activer tous les liens. Sur j'espère qu'il n'y en a pas trop. Il y en a un nombre certain, à tel point que tu satures l'espace mémoire de ton téléphone à charger toutes les pages et à les mémoriser sur l'espace finalement très restreint d'un smartphone. Hein. Qu'est-ce que c'est 4 gigas de... Oh, c'est rien du tout. Voilà, bah c'est vite atteint. Okay. Et vous n'avez pas atterri que t'es encore en train de... C'est bon, j'ai réussi à tout prendre à la fin au moins, oui, même si mon téléphone est saturé. À peu près, ça fonctionne. donc vous avez eu l'occasion de voir quelques vidéos promotionnelles sur les offres touristiques du comté de Norrbotten. Vous avez au début, tu te serais dit que tu documenterais sur place, un peu plus avant, tu aurais le temps en avion, tu t'ennuierais le Rollerstag, mais en fait, t'en as pas eu l'occasion et vous arrivez ainsi à Lula. Vous êtes aussitôt accosté. Il y a un petit panneau en lettres gothiques, 1000 poids du mont, qui vous attend avec un monsieur barbu, la soixantaine, habillé presque comme un Père Noël, effectivement. Oh mon Dieu, il est habillé en bleu, un bleu éclatant comme... L'air au dehors qui a l'air d'une intensité, un air pur. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux, oui. Mais ça fait aussi tout drôle quand vous aspirez la première goulée d'air hors des miasmes parisiens et de la promiscuité des grandes villes. Ça tourne un peu la tête. C'est donc ça l'air de la nature. Voilà, vous n'y êtes pas accoutumé. C'est surprenant. Mon Dieu! Un goulet d'air et ce bonhomme. C'est que mes dessins moches! Qui ressemble presque effectivement à un Père Noël et qui. Il arrive au pôle Nord, quoi. Vous salue. Psalut. Et prend vos bagages, vos sacs à dos. Les balance en vrac à l'arrière du combi Volkswagen. Et j'espère que c'était pas trop fragile. Moi j'ai rien. Siglé SVO le. Mes crayons ! Non mais oh là ! Mes crayons ! Ah si, j'avais un truc inflammable. Allez, please. Et il vous indique. My pencil ! La porte. Oh ! Bichette. Never mind. They're okay. Okay, good. Yeah, there's plenty of wool inside. You will see. Later on. Et je sors un crayon de ma poche avec un... Et j'avais toujours mon carnet où je fais mes dessins. Je le regarde et je dessine. Mais il a un étrange axe. Enfin, il a l'accent du cru, tout bêtement. Et il a un côté Père Noël avec la barbe broussailleuse. Ouais, c'est Père Fouettard. Mais, si Père Noël jette ses cadeaux comme ça... Il est habillé avec les vêtements... Les vêtements traditionnels... Your Santa. Je lui dis ça. Your Santa. No. Wow. No, my name is Stig. Stig Larsson. Si, on dit trop Père Noël. Le Père Noël... Et sitôt que vous êtes installé... Okay. Moi, je pense que c'est un militaire. Et vous partez dans le combi Volkswagen jaune éclatant aux armes... Le Père Noël métal. aux armes du comté. La Père Noël mobile. Du SEO. Et il y a le petit drapeau avec toutes les couleurs que vous voyez sur le costume traditionnel de Stig. Les couleurs du peuple Sam. Donc il est siglé non pas aux armoiries du Norrbotten, mais du peuple Sam. Moi, à l'arrière, pendant qu'il conduit, je dessine. Ça tressaute méchamment, non. T'es obligé, t'es contraint de renoncer à dessiner. Savoir si t'es vivant ou pas. Et tu entames donc un long trajet chaotique. Mais quand je dessine, ça fait comme les rythmes cardiaques. Parce que je commence par une tête et ensuite. Un long trajet chaotique qui vous mène tard dans l'après-midi, alors que vous avez l'impression de voir là les couleurs qui sont celles de l'automne chez vous, mais qui sont celles. Du soir, de la nuit, lorsque vous arrivez enfin à Yok-Mok, la ville où vous devez retrouver je demande avec un anglais approximatif si ici il y a des aurores boréales qui aime beaucoup dessiner des aurores. Des aurores boréales. Aurora Borealis? No, it's not time. Sooner in season, maybe. And quite long way from here. From here. You must climb the Storchuber. Afterwards, you will see. Tu peux mal prononcer. Quoi? Comment ça se prononce? Il a dit. En gros, c'est. Il savait pas ce que ça voulait dire. Des aurores boréales. Il a fini par comprendre et il a et dit. Et après, que... il a dit oui, ça. Il y en a pas loin. En gros. Voilà. En gros, c'est bien ce qu'il a dit. Un assez loin quand même. Au-delà, il a parlé de du Storchuber. Et je lui demande à quelle heure. Ah bah. Not today, sir. You'll have to sleep before. Okay, thank you. Et sur ce arrive votre cousin Yoris Karl, à peine non. Réveillé. Non, je suis réveillé. Ouais, tu dors. Non. Arrête de mentir. Non. C'est tout ce que tu dormais. Non, je dormais pas. Non, mais. Là, c'est un temps particulièrement chaud. On est au cœur de l'été. Il fait bon, une température agréable. On peut circuler en bras de chemise comme eux sans avoir une sensation de froid, ce qui est rare en ces contrées. Bah, du coup, je retire le manteau qu'on avait oublié. Très vite, dans la soirée, il fera bien trop froid pour que. On se risque en bras de chemise, mais là, c'est encore possible. Mais je garde mon pull quand même. Et donc, il est convenu qu'après le transbordement réalisé par le SOV, par votre futur guide, Stig Nordson, c'est un éleveur de rennes du coin. C'est un Sam, un vrai Sam. Vous vous retrouviez le lendemain pour l'excursion à proprement parler, la Ralarchkun. En fait, ça veut dire que vous allez suivre l'ancien tracé de la voie ferrée, enfin le tracé initialement prévu, et qui a été abandonné pour ménager toute la taille du parc. Ça a été une très très longue négociation. C'est une négociation qui a confronté les intérêts de la couronne avec les peuples autochtones, et où sont mêlés des intérêts extérieurs et des intérêts économiques majeurs, pour finalement aboutir à un compromis qui a fixé le tracé et de la route, qui épouse la limite extérieure du parc, et le tracé de la ligne de chemin de fer, qui pourtant était essentielle, puisqu'elle dessert Galva, la cité minière, la pomme. Ok, bah si on roule là, on va se faire écraser par un train. Je dis ça, je dis rien. Notre voiture, elle va se faire percuter. On va rien comprendre. Non, mais vous irez... I like a trance. Le trajet, vous aurez un petit trajet en minibus pour aller à la limite de... Ça dépend si c'est aux heures de pointe. Hein. Oui, mais les heures de pointe, Yokmok compte 2900 habitants au dernier recensement. Donc c'est une toute petite bourgade. C'est pas plus grande que Galar-Saint-Paul. Oh bah ça va, même si on va faire à Like Trains, tout va bien. Donc là, vous affiche une... Donc c'est une toute petite ville typique de la région, avec des maisons en bardeaux, en bois, avec une couverture en poids de Stockholm. En poids ? Oui, c'est comme ça qu'on appelle... En fait, c'est des préparations. Le fruit du charbonnage permet d'obtenir un bitume homogène. C'est l'une des productions traditionnelles de la région. Donc la plupart des toits sont des toits bitumés comme cela, qui permettent de faire glisser les pluies qui ne sont pas abondantes, mais qui sont circonscrites dans le temps. Et en fait, vous avez de la chance parce que c'est la période où il pleut dans l'année le plus l'été. J'avais oublié. On a de la chance justement. Bah parce qu'il pleut pas. Parce que les pluies sont très intenses, très fortes. C'est des périodes très orageuses également. Et je discute je suis en train de discuter avec celui qui nous a accueillis de mes dessins, etc. Oui, mais il ne reste pas très longtemps parce que lui, il doit aller s'occuper de ses rennes. Il a son troupeau à rentrer. Et du coup, moi, je le suis pour regarder de loin. Enfin, je le suis discrètement pour regarder les rennes. Mais lui, il repart avec son minibus. Il vous abandonne dans l'hôtel l'hôtel arboricole qu'occupe à l'année votre cousin. Donc une maison qui est perchée dans les arbres à la limite de la ville. Il faut marcher un kilomètre pour atteindre sa maison. Bon, il vous aide un peu à porter vos sacs, vous voyant un peu encombré. Toi qui as commencé à sortir tes carnets, tes calepins, etc. tu t'es fait à moitié enguirlandé par le cousin Adrien qui en a déjà assez. Non mais on sort pas ça au milieu là, on sait pas s'il va pleuvoir ou va pas pleuvoir. Et il faut faire attention à ses affaires là, hein. Tu vas égarer tes feuilles, ça sert à rien là. Je souffle et je range mes affaires et je les mets sur... je mets un gros sac sur mon dos. Oui, et comme t'as remis un peu de guingois, on a Nora qui t'aide un petit peu à l'ajuster et vous repartez... Donc, vous éloignez du centre-ville de Yokmok, qui est assez peu animé, même si c'est une période, la période estivale, il y a assez peu de touristes, mais vous avez voyagé avec le fameux japonais qui était dans l'avion avec vous. japonais ou chinois ou coréen ou un asiatique. On n'en sait rien. Lui, il est reparti en cœur de ville. Il a salué en s'inclinant le guide. Il s'est juste présenté à cette occasion. C'est le seul moment où j'ai entendu sa voix au travers de son masque. Il a dit quel nom ? Kyoshi. Et je dessine quand je suis arrivé en haut, je commence à sortir mes affaires sans me faire en guirlandais. Quand My name is Kyoshi. Kyoshi Florosa. Hein ? Kurosawa. Kurosawa. C'est comme ça que tu dis. Tu joues très loin la convergence, jeune fille. Oui, je sais. Pourquoi ? Et donc vous le laissez, puisque vous accompagnez votre cousin. Pour rejoindre son hôtel arboricole. Alors, c'est pas extrêmement spacieux, hein, vous allez devoir tous camper. Tu laisses ton lit au cousin Adrien ou t'as un lit de place. Le lit de place pourrait servir aux petits et puis vous dormez par terre dans des sacs à dos. Hein? Bah alors moi je me mets dans le coin, je suis contre le mur, en train de dessiner. Moi je prends toute la place. Ouais. Moi je suis dans le contre le mur en train de dormir. Bah moi je vais à l'autre bout en train de dessiner toute la nuit. Alors, à un moment je m'endors comme ça. T'as prévu quelque chose pour les accueillir Tu dors même pour rien dessiner. Rien pas prévu de leur... Normand courriel. Oui, mais là, je regarde ni mon portable, ni mon courriel, ni mon. Moi, il a bien fallu qu'il te rappelle depuis l'aéroport, donc pour te rappeler que. C'est nul, y a rien, y a rien pour s'amuser. Je te passe un. Oui, mais je l'ai appris 20 minutes avant qu'il arrive. Tu veux que je fasse quoi avec une feuille et un crayon? Dessiner ou manger? Pas manger. Donc, ce soir, un peu de viande de renne. Bah non, regarde, tu dessines une tarte. De renne avec un peu de confiture d'érelle. Et beaucoup de rien. Et je me remets à dessiner. Et un peu de confiture d'érelle sur du pain noir. Tu peux m'aider à faire mes doigts? Non, j'en ai déjà trop. Parce que quand même, c'est tes réserves. Donc, vous mangez chichement du renne grillé. Waouh! Moi, je mange. Des tartines, il y a un peu de confiture d'érelle. Je mange juste un bout de. C'est de la confiture locale, hein. C'est indiqué dessus. Il y a le petit drapeau du Loulou. Je mange juste quelques tartines, ensuite je me remets à dessiner tranquille. Donc vous passez. Vous discutez assez peu entre. Chacun revient à ses activités habituelles, à ses activités propres. Bah toi par exemple. Mais je porte la poisse moi. Pourquoi? C'est sur quoi? 8. Tan tan tan. Il va nous arriver quelque chose de bizarre, je le sens. Je le sais. Aussi, il va y avoir un renne. La viande qui va se reconstruire. Donc vous. Ça va sortir de la bouche. Vous allez vous installer dans le lit. Confortable, chaud. Il règne un froid agréable dans la pièce. C'est pas surchauffé comme dans les grandes villes. Il fait bon, en fait, au dehors. Par contraste. Avec ce que vous avez connu et puis toutes ces mesures de restrictions qui ont cours actuellement depuis la pandémie de pneumopathie atypique. T'inquiète, je vais m'endormir sur le trouvé le lit bien que curieusement perché, agréable. Vous êtes quelque peu fatigué, éprouvé par ces heures d'avion, ce transbordement en minibus sur des routes tout juste carrossables. La grande route numéro 5 qui aboutit à Yakmok, au cœur du comté de Norbotten. Passé une nuit réparatrice, vous êtes profondément assoupi. Et le matin, lorsque la radio se met en marche, à l'heure où les fiers écrivains fourbissent leurs plumes, vous avez du mal à vous extirper du sommeil. Des bras morphés, tendus. Je me lève, je prends la radio, j'essaye d'appuyer sur tous les boutons pour que ça s'éteigne. Je lui arrache la radio et je l'ai. T'es chez moi, gamin. J'étais à deux doigts de l'acheter. C'est cool que t'as vu comme musique. Je t'ai, je repaye. Tu appelles la radio, c'est pas toi qui décides. Oh. Il y a qu'un seul moyen. Ah, mais elle s'arrête pas. Je vais acheter par la fenêtre. Ah si. Ça a fonctionné. Et je dois repayer. Quand tu te lèves, tu redresses, agressé par la radio tonitruante qui finit par s'éteindre. Moi, je suis par terre, mise en sourdine. Avec le cœur sur la tête. Et que lui fait l'andouille au bas du lit. Non, mais moi, je suis endormi. Hein. Une douleur là dans ta cuisse. Aïe, j'ai très mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et oui, t'arrives pas à déplier ta jambe tellement ta cuisse est douloureuse. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Tu t'es mangé. Je me suis mangé une radio dans le genou, c'est ça? Tu serais curieuse de voir ce que tu as. Tu écartes ton pyjama. Et là, tu as un immense hématome sur... Je suis tombée de mon lit, voilà. Ou alors lui, il m'a sauté dessus. Tu n'es pas tombée du lit, mais tu as un immense hématome. Et là, sur la rotule, à hauteur de ta rotule, tu as... profonde meurtrissure des traces de griffes qui sont très profondément dans les chairs à cet endroit ça tu as d'épaisses croûtes maintenant et qui sont surinfectées et moi je me réveille j'ai dit, ah, non je dormais pas de la nuit. Je dormais avec mon scalpel ou c'est comment? Non. Des traces de griffes, mais assez écartées par rapport à ton genou. Ouais, les doigts. T'as une trace là, et une trace là. C'est mais bizarre. Ça correspond à des doigts. À une patte qui, par rapport à ta rotule, est une patte ou des griffes qui seraient. Et sur ma main, il y a plus de poils. Et je vois qu'en fait, c'est des cheveux qui sont tombés parce que je perds de temps en temps quelques petits cheveux. Tu pourrais, toi qui es utile et qui est hors du lit et qui peut bouger, hein, tu peux aller me chercher mes bandages, s'il te plaît. Je balance mon carnet contre le mur. Dépêche-toi, sergent. Est-ce que tu as une, quelque chose dans ton armoire à pharmacie? De toute façon, t'as ta trousse de secours. Ouais, mais elle est juste tout au bout. Mais là, moi, je m'en jure, retombe endormi. C'est bon, j'ai la trousse. Ce qu'a fourni l'hôtel, t'es pas un hypochondriaque de nature? Si, si, si. Ah, c'est bien ça. Si, t'es hypochondriaque. Et t'as entamé le stock? Pas tellement, enfin... J'ai dû le renouveler il y a 2 semaines, donc... Non, c'est pas ta propre trousse. Je prends mon truc d'asthme. Tu vois que c'est infecté, quand je vois les griffures qu'elle a sur avec ce que tu as, les antiseptiques que tu as, tu doutes que ça suffise. Il faudrait un bactéricide un peu plus puissant que ça pour résorber l'infection. Il est descendu. Il est tombé de la maison. Je prends mon truc d'asthme en voyant les griffures. Tu aurais pas quelque chose? Oh, je sais pas, mais c'est parce qu'il m'intéresse. Est-ce que tu aurais pas quelque chose? Quelque chose, comment ça? Pour désinfecter un truc dangereux. Moi, je prends de l'asthme. Enfin, parce que moi, ça suffit pas ce que j'ai dans la trousse. Ah, on peut aller à la pharmacie? Bah vas-y toi, moi je peux pas trop bouger moi. Je prends mon truc, j'en prends en 3 tonnes en voyant les griffures qu'elle a. Et je me cache sous le... Ça va être gênant pour aller faire une excursion de 4 jours. Je vais me débrouiller. On va aller voir le pharmacien. Non, je vais me débrouiller. Pardon. Et moi, en retirant mon cache-nez Tu te prêtes au désidérateur de tes cousins ou tu imposes. Ou tu imposes ton souhait de passer outre. En même temps, d'après toi, c'est quand. C'est pas grave, c'est pas tant infecté que ça. J'ai dû dormir avec quelque chose qui coupe, ça m'arrive des fois. C'est rien. Là, c'est vraiment. La plaie n'est pas saine. La ventoline. Ok. Et je prends plusieurs doses de ventoline en voyant les griffures calmer. Mais lui, il va mourir de la ventoline. Il va. Et ensuite, je me cache derrière mon calepin. Outre le fait qu'elle soit que les trois meurtrissures soient violacées, il y a vraiment une infection. Tu sens sous ton doigt quand tu poses le doigt dessus. C'est les effets de l'infection, tes chairs sont distendues à cet endroit-là et la douleur s'explique d'autant mieux. Je prends mon crayon. D'accord, mais j'y vais pas. Bah, je veux bien te porter. T'es sous ma responsabilité, cousine. Hein. Si t'arrive quelque chose, moi, je vais me faire encore. En fait, tu t'en fiches de moi, t'as juste pas envie qu'il t'arrive des choses. Non, c'est pas ça, mais c'est important. C'est important. On est là pour aller se payer du bon temps aux frais du CE. Ouais, pas pour que tu reviennes en boitillant avec un furoncle en dernier degré. J'ai une question. Il n'y a pas quelque chose qui griffe par hasard, quelque chose de vivant? À part tous mes petits. Dans tes affaires Non, pas dans mes affaires, dans le bois. Dans la forêt, il y a des écureuils, des loups, des ours. Ça m'étonnerait qu'un ours montre le chat qui dit bonjour. Non, je pense que ce serait un ours, vu la taille des blessures. Mais tu crois qu'un ours va venir bonjour? Allez, je pars. Non, c'est possible qu'il ait fait attention en essayant de marcher. Il y a rien qui a disparu dans mes affaires ni dans les tiennes. En essayant de parce qu'il peut passer. Et puis, par là tu crois quoi, gamin? Je crois des choses. Je protège mon habitat. Hein. Est-ce que t'as vu des choses? Je protège ton habitat, mais tes réserves de céréales, elles ont été éventrées. Quelqu'un a tout bouffé, c'est lui. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas vrai, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Ah, c'est pas vrai, c'est pas moi. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est pas toi qui t'es levé la nuit pour aller manger les céréales? Oui, c'est vrai, j'ai entendu quelque chose de type humain, comme ça. Et c'est pas vrai, je vois pas C'est quoi ça sur ta cheville? Oui, c'est bien ce que je pensais. Non, il a pas de relief de céréales. Si, là. Mais il se dénonce lui. Ah, oh, j'ai rien dit, c'est pas vrai. C'est lui. En tout cas, le paquet de céréales a bien été éventré de façon pas humain. Sauvage. Par contre, là, je dis... Ah, oh, par contre, là, c'est pas moi, hein. Ça, je vous jure. Et il y a... Ouais, mais des fois... Je suis désolée, mais Oscar, des fois, quand il a... Il y a de la bave à l'intérieur. Il y a de la bave à l'intérieur. Tu baves? Non, je crois que c'est un animal qui est passé. Du sachet. T'as trop pris de ventoline, mais... tout ça. T'as jamais eu de visite d'écureuil, hein. Et tous les pièges à ours... Enfin, j'ai posé des pièges à ours dans le cas où... Mais je m'étonnerais qu'un loup sache monter à une échelle. Si. Non, mais de toute manière, j'ai pas une échelle, j'ai une... Enfin, l'échelle, je la retire tous les soirs. Bah voilà. Donc Ah, c'est quelque chose qui vole ou c'est quelque chose qui grimpe. L'intérêt d'être ici, c'est d'être loin de toute trace de civilisation et loin de tous ces casse-pieds. Alors, l'animal qui vit dans les c'est bois... C'est un écureuil, mais en même temps, un écureuil, ça fait ça. Alors, les écureuils sont porteurs de germes... assez inquiétant pour l'homme si on vient être en contact et griffé. Bah, je vais mourir. Ils peuvent être vecteurs de certaines pathologies. Oui, mais ça fait pas ces tailles de griffes là, je veux dire. Ça c'est peu vraisemblable. En revanche, leur prédateur naturel, la martre. La martre, ça vit dans les bois et ça pourrait grimper comme ça. Louis, pourquoi je dis ça moi? T'es possédé. J'en sais rien. Ça pourrait peut-être grimper, trop de ventoline. Effectivement, dans un arbre. Mais pourquoi il m'a griffé? On ne saura jamais. Donc, il est peut-être monté sur lui. J'ai fait waouh. Est-ce que tu vas jusque chez le... Tu acceptes qu'on te conduise jusque chez le pharmacien? Ouais. J'ai pas le choix. Je pense pas. N'est-ce pas? Bah, c'est toi qui a le dernier mot. Si le pharmacien dit quelque chose de faux, je l'insulte de tout le monde. C'est vrai. De ton coup. Alors attention, je fais des études. Et moi, j'ai le pharmacien parle en visage en suédois et s'adresse assez naturellement à Yoriska. Il y a moi qui le comprends. Et donc toi, tu as acquis la langue. Moi, je suis à côté. En l'espace du. D'une année de... Même si tu limites à les... Non, j'ai quelques bases aussi parce que j'ai fait des études. Enfin... Oui, mais tu limites tes échanges avec tes contemporains. Là. Le but étant de t'isoler pour travailler. Et je retire mon cache-cou, je... Mais ça je t'a pas empêché d'acquérir des rudiments de l'oule, de la langue sami du coin, du dialecte local en tout cas, et... d'être à l'aise en suédois. Donc, Jörg, le pharmacien, un homme d'une cinquantaine d'années, très tranquille, l'examine avec attention et puis dit, mais vous êtes allé, il te demande, elle est allée dans les bois récemment? Vous avez rencontré des ours? Que je sache. Non, pas. Ça a tout l'air d'une griffure d'ours, hein. C'est. On va pas plaisanter avec ça, hein. Juste. Je me permets une remarque, Meta Alexan. Comme t'es pas censé parler le suédois, tu peux pas logiquement lui répondre aussi rapidement. Ouais. Donc, en l'occurrence, soit tu me demandes que je te la traduise, soit. Je laisse parler, voilà. Moi, je les regarde comme ça, attentivement, en reprenant un bout de céréales qui était sur ma joue. Ah, t'es coupable! Pardon. Ah, jeune fille, c'est une blessure sérieuse. Je vais devoir vous faire une injection. Vous avez besoin de la ventoline, là? Non, non, non. Ah, ça, je m'en fiche, hein. À part quand je stresse. Il s'éloigne dans son labo et revient avec un petit flacon. Il pompe avec une seringue. Et, moi, je recule avec... Après avoir ah non, c'est pas nettoyé, moi. Très, très, très précautionneusement tes blessures avec de la bétadine. C'est quoi? Ça pique? C'est un antiseptique universel, c'est ce qu'on utilise en chirurgie. Mais l'autre produit, là, c'est quoi ça? C'est un antirabique. Traduction. C'est un antirabique, c'est contre la rage. Mais non, carré. Ma fille qui l'a dit dans une autre langue. Oui, non, mais c'est justement, je le traduis. D'accord. Et donc... contre la rage, pourquoi? Tu veux que j'ai la rage? Non, en revanche, je traduis pas le contre la rage. La bave sur les céréales, elle était mousseuse? Tu veux que j'ai la rage? Donc... Non, mais peut-être. Possible. Chacune des blessures très légèrement, plusieurs fois, et il vide comme ça tout le contenu. Et puis il te remet des cachets dans une petite boîte et un à chaque repas. Wow. T'as quel goût? C'est quoi? J'ai demandé le. Antibiotique. Antibiotique. J'ai tout. J'aimerais dire et youpi. Pendant repas, sinon. Diarrhée. Je comprends. Vous, monsieur? Solo. Je lui montre le. Solo, ça t'as retenu, ça veut dire tout à fait. Monsieur, tout à fait. Je lui montre mes dessins. Oui, oui, mais c'est. Il s'en fiche. Là, il faut que tu t'occupes de ta sœur, hein. C'est important. Je prends la ventoline en mode. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! T'inquiète pas, je vais le faire de toute manière. Donc il faut être gentil avec elle et il faut pas qu'elle oublie ses médicaments, d'accord? Ok Google. Non mais là il parle en français avec un accent un petit peu. Un léger accent, mais manifestement, son niveau d'études et ou son centre d'intérêt fait qu'il vous a parlé assez spontanément en français. En même temps, vous avez... toi, tu as un anorak siglé Lafuma. Non, là, je le porte pas, je porte mon pull. Oui, mais tu l'as posé sur les épaules parce qu'il faisait froid, là, ce matin. Il faisait 8-9 degrés quand vous avez quitté le couvert de la forêt. J'ai mes lunettes, ça, on voit vraiment presque pas mon visage. Ah bah de toute façon, vous avez pris l'habitude de circuler avec les masques. Hein. Non, moi, c'est pas un masque, c'est un cache-nez. Non, mais là, il faut prendre ses masques. Ça filtre. Hein. C'est derrière, en dessous. Oui, mais je précise que vous avez, sauf à ce que vous me l'indiquiez... compte tenu de la pandémie en cours, vous avez l'habitude de circuler avec des masques de protection. Ce qui n'est pas le cas de Yoriscar. Lui, il circule à visage découvert. Mais vous en faites trop par rapport à ce coronavirus. Tu vas l'attraper, tu vas rien comprendre. Non, mais le fait est que ça touche principalement les populations chinoises parce que les conditions de vie sont déplorables et que leur attention au niveau de la santé est encore plus déplorable. Ça s'est développé dans les marchés qui ne respectent aucune norme sanitaire. Et en bon hypocondriaque que je suis, vous pouvez vous douter que la propreté, c'est loin de me faire défaut. Donc qu'est-ce que tu veux que je craigne d'avoir? Donc vous revenez chez Yoris. Adrien a payé tes médicaments. un tout petit peu de médicaments. Le... Ça va, c'est pas des somnifères. T'avais ta carte européenne, et donc tu avais la gratuité, la couverture sociale qui fonctionnait, mais il y a eu quelque chose de un petit moment où Adrien a échangé, puis il a été sollicité Yoris Karl, parce que lorsque le pharmacien a lu ta carte européenne, il a eu un message qui l'a surpris, parce que tu aurais 92 ans. Ah bon ? Moi, 92 ans ? Je suis très vieille. Et tu t'appellerais Panserero. Panso. Ce qui est un... Ce qu'il a expliqué à Yoris, c'est un nom sami. Alors lui, il est suédois, mais on connaît bien ce nom, Ramso, parce que c'est à cause d'eux que la route a ce dessin-là, et que qu'on a dessiné les limites de la réserve, toute l'histoire là pendant les années 40, autour le conflit entre les Sam et la couronne, c'était autour d'une famille Sami, les Ramso, qui habitait au cœur du Mudus, et qui refusait à quitter le Mudus, qui voulait conserver leurs coutumes ancestrales, et qui il vous explique que ce qui était surprenant pour les gens de Stockholm, c'était d'entendre ce qu'ils considéraient comme des lapons. Donc lapons en suédois, ça veut dire ceux qui sont vêtus de guenilles. C'est un terme péjoratif. C'est comme nègre. Donc ceux qui considéraient comme les lapons comme des arriérés culturels qui vivaient de la chasse du renne. Alors certes, beaucoup vivaient de l'élevage du renne dans la zone, à l'époque, dans les années 40, mais pas tous. Et en l'occurrence, ces Ramso, ils étaient particuliers parce qu'ils avaient installé une ferme avec des vaches danoises. Et ils voulaient absolument pas partir. Ils avaient une vache qui n'était pas danoise, qui s'appelait Marguerite, une vache blanche, toute blanche, et qui a recueilli énormément de prix agricoles compte tenu de sa robe, de ses capacités de traite, etc. Et ils étaient connus dans tout le royaume. Comment s'appelaient ces enfants ? Il y avait... ça, je ne sais pas. Hein. Faudrait que vous recherchiez sur Internet. Hein, mais moi, je fais la recherche sur... Sur ton smartphone ? Qui capte rien. Et qui capte rien. Ouais. Oh, mais punaise, c'est quoi ce réseau ? Ah non, désolé. Il faut avoir la fibre ici pour... j'ai la 4G. Et ça marche pas. Non, mais ça marche pas ici. Vos opérateurs, ils marchent pas. Trop loin de la France. Non, là on est tout près de la montagne. Et je caresse le chat qui traînait près de la pharmacie, qui se met à se mettre en boule sur mes genoux. Il vient ronronner contre toi. Et donc, c'est parce que tu lui donnes l'identité de et qu'on présente ta carte d'identité, qui avère ton identité, et c'est ce qui est écrit par ailleurs sur ta carte. Il n'est pas écrit Ramso, mais ce qui était affiché dans l'état, la restitution que lui faisait son serveur, c'était Leslie Ramso, 92 ans. Pourquoi ? Mais j'ai pas 92 ans ! Je m'appelle bien Leslie, je suis pas Ramso. Voilà. J'ai pas 92 ans. Ce que j'ai l'air d'avoir 92 ans. Et non, mais il met sa main comme ça, puis te regarde intensément. Quoi ? Tia. Il te regarde comme ça sous tous les angles, puis il dit c'est vraiment curieux. De quoi c'est vraiment curieux ? Alors, moi je suis pas. J'ai longtemps vécu en France, je ne suis pas Samy, je ne suis pas de la région, je suis venu ici pour suivre ma femme. Mais. Et ma femme, elle est morte d'un cancer il y a peu, mais. Les gens du. Votre visage, quand je regarde vos yeux, ça me rappelle des photos d'avant. Je sais pas, moi. Après, je sais pas. Moi, je regarde attentivement en caressant le chat. Il faudrait aller voir le vieux Stig Norson. C'est l'une des plus vieilles Samis de Jokkmokk. Et lui pourrait vous en dire plus sur les Ramsos. Mais c'est bizarre hein, que ça ressorte comme ça. Et... Vous avez pas des ancêtres Samis, vous, en France ? Mais je sais pas, moi. Ce n'était pas une vache tibétaine, la vache dont vous nous avez parlé ? Non, c'était une vache danoise. Okay. Ah, les vaches danoises, c'est des bonnes vaches, hein. Mais elle s'appelait Marguerite. C'est car j'ai lu un livre qui parlait d'un enfant ayant une vache. Moi j'ai vu un film français qui est drôle, mais drôle. T'as dû le voir, toi. C'est petit. Quoi c'est... La vache et le prisonnier avec Fernandel. Eh ben, il se promène... Fernandel, il se promène avec une vache qui s'appelle Marguerite, mais elle est pas blanche. Hein. Je la connais, celle-là. Elle est pas blanche. Non, j'ai pas aimé mais le film. Il est très drôle, le film. Je préfère Star Wars. Ça change. Ah bah c'est autre chose, ça. Et je sors un sabre laser en plastique de mon sac. Je vais demander à l'un de mes fils, mais il habite pas ici. Il habite loin, un peu plus au nord. Il élève des rennes. C'est un Sami, il est demi-Sami. Comme sa maman. D'accord ? Vous m'autorisez à prendre une photo de vous ? Oui, youpi. Et moi j'arrive quand on prend la photo, on me voit sur le côté comme ça. Qui fait peur toi. Et je suis pas doué avec ces choses-là, c'est pas ma génération. Et quand on prend la photo et qu'on la regarde, on me voit sur le côté alors que je n'étais pas sur la dans l'angle. Ça fait très peur. En mode cheese. En mode casse-pied, en fait. Oui, en mode casse-pied. Tout à fait. Et après, il s'éloigne, il va à son bureau, et puis... Attendez, j'ai une idée. Vous pouvez attendre un petit peu. De toute façon, il faut que... Tenez, j'allais oublier. Et il t'apporte un... Ça, c'est la fièvre. Fève. Oui. Et il te donne un comprimé. Strong enough. Je croyais que vous parlez français. Fève vanish. Monsieur, je croyais que vous parlez français. Oh, oui, mais c'est vieux pour moi le français. Pour que ta fièvre parte. Mais j'en ai pas. Ah bon ? Si, tu sens que... T'as un peu la tête qui tourne, t'as le front un peu moite. D'accord. Et je commence à bouger dans tous les sens. Toi, tu t'agites, et puis tu vois esthétique. Qu'il il va à son bureau, il pianote. Le chat part en courant. Il hésite un peu, il manipule assez difficilement son outil informatique en dehors de sa base de données médicale. Et il envoie un message. Et peu après, vous attendez une dizaine de minutes, et il reçoit un message et il dit quoi ? Je crois que je vais mourir. Non ? Et c'est une vieille photo sous verre que lui envoyait son fils. C'est des Pères Noël ou c'est comment? Et ça ressemble pas du tout à moi. Et ça me ressemble pas du tout. Oh, il est cadeau. Sur la tête. Et donc c'est le regard qui c'est pas tant le visage mais c'est le regard, hein, l'intensité du regard et la forme des yeux qui l'interpelle, la position, les oreilles, et il compare, il met les deux photos, effectivement deux oreilles sont deux oreilles, mais c'est les placer l'une à côté de l'autre, et donc si on coupe le visage à hauteur du regard, effectivement, il y a une ressemblance qui... Mais tout le monde là, mais pas du tout sur... notamment, on suppose que c'est une vieille photo sépia jaunie sur son verre. Donc on a du mal à juger des couleurs. Mais il envoie un message à son fils qui lui confirme, oui, elle était blonde, pas brune comme vous, mais le même regard. Peut-être avez-vous des ancêtres Sami lointains. Peut-être. Qui sait, avec peut-être. Les guerres qui ont ensanglanté l'Europe. Mais lui, il a pas le même. C'est mon frère. Je croyais qu'on était cousins. Ah non, c'est mon frère. Ah bah je suis perdue dans la famille. Un jour on me dit qu'on est cousin, l'autre jour on me dit qu'on est frère, l'autre jour qu'on... On va prendre de la main fantaisie. Je vais. Et je me mets à sautiller partout. Tu as des problèmes d'instabilité. C'est pour ça que tu es dans un établissement freiné. Un établissement où tu peux faire que ce que tu as envie, au rythme où tu as envie. Non, je suis aussi dans cet établissement parce que je suis spécialisée dans l'art. Surtout parce que tu es spécialisée dans l'art, c'est oui. Ça. Et je sors un carnet et je dessine. Mais ça se trouve, lui aussi, il l'a, mais c'est juste parce que c'est un garçon. Et là, je retire mes lunettes jaunes et je regarde. Ah, j'y vois rien. Il y a quelque chose dans le nez, mais la bouche, non, pas du tout. Ah bah non, parce le que là, nez, c'est... Le nez, les oreilles, les yeux, non, là, oui, mais bouche. Si on fait abstraction de la bouche, oui, il y a des points communs. Mais c'est curieux, parce que vous êtes... Elle a les joues creuses, vous avez les joues pleines. Et lui, il a les joues pleines, et lui, il a les joues creuses. C'est l'inverse, quoi. Voilà, c'est vraiment bizarre, hein. C'est comme en miroir, comme si vous aviez échangé au travers des âges entre deux frères et sœurs. C'est vraiment bizarre, hein. Bon, vous permettez que je garde juste la photo, c'est une curiosité. C'est bien mal placé. Ce que je vous souhaite, c'est que vous vous remettiez. Dans 3 jours, vous revenez à la pharmacie ? Oui. Dans 3 jours, ce sera... non, 3 jours, ce sera pas possible. 4 jours, on peut revenir. Pourquoi 3 jours ? Ah, c'est pour un contrôle. Je préférerais être certain que tout se passe bien. Donc, dans 4 jours, vous revenez et on vérifiera l'état de votre blessure. D'accord ? D'accord. Merci. Et pourquoi pas dans 3 jours ? Bah, Bêta, on va dans l'ex... on va à notre excursion, là, on part. On part à midi. Vous aussi? Mais non. Bien sûr que... Adrien, oui. Bien sûr qu'Adrien vient. C'est lui qui a voulu. Le chat. C'est moi qui te paye ton voyage. Tu te rappelles? Oui. Ah. Mon genou. Ah, toi aussi, t'as les mêmes problèmes que moi. Lui, ça arrivait dans la vraie vie. Il s'est installé sur moi et il m'a griffé. Donc vous quittez le pharmacien pour aller préparer votre excursion. Donc là, vous aviez une liste qui vous a été communiquée par l'office du tourisme du Loulet. Donc on spécifie que vous devez avoir au moins 4 paires de chaussettes de rechange. Pour changer de chaussettes tous les soirs pendant le voyage. C'est important parce que vous aurez y a une forte humidité et des risques de mycose. Du coup, je prends 3 chaussettes qui... Enfin, je prends 3 paires de chaussettes qui se ressemblent, mais c'est comme un uniforme. Vous vérifiez votre sac. Donc vos chaussures de marche, votre vêtement de pluie, votre manteau, votre gilet, cache-nez, bonnet. J'ai une capuche. moi aussi j'ai une capuche non existante. Si j'ai une capuche avec mon sweat. T'as un sweat à capuche? Oui, noir. D'accord. Moi aussi c'est un sweat, hein. Oui, il a un sweat à capuche multicolore. Non, je galère. Non, c'est une capuche bleue, je crois. Vous vérifiez tous vos et là, petits. Je crois que c'est gris. Et est-ce que tu emportes néanmoins tes carnets? Bah oui, je les mets dans mon sac. Ta trousse. Est-ce que tu emportes ton lavis de tes planches anatomiques, ton petit recueil de planches anatomiques qui d'habitude ne te quitte pas? Ça fait quasiment la moitié du poids de ton sac. Mais tu l'emportes. Surtout, Joséphine. Pourquoi Joséphine? Si tu remarques pas, je donne des noms à mes outils. Ah non, moi c'est plus à... Moi, les noms que je donne, c'est à mes vêtements. Un objet qui te quitte jamais. Il y a un objet qui te quitte jamais. Oui. Alors, tu vas le noter dans l'objet. N'importe lequel. Bah, celui qui vraiment pour toi revêt une importance. Moi, c'est mon dessin. Un dessin d'un personnage qui me ressemble comme tout. Deux gouttes d'eau, mais qui a un autre nom. Bah, alors, regardez. Joséphine. qui commence par T. Adrien, qui est curieux et qui veut garder la main sur tout. Un dessin. A fini par te demander, Yoriscar, de négocier avec. Voilà, Joséphine. Avec Björk, le fait d'obtenir la photo des Ramsau pour la garder dans des archives et demander à Odette Millepoix si la grand-mère ne viendrait pas de Suède parfois. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit à l'image des enfants. Donc, Si tu as le mien. Non. Ah bon, j'aurais cru. Non, mais c'est ton cousin qui a demandé à Georg la photo, cette photo-là. Justement pour en parler, pour le communiquer à sa tante quand il aura fini son séminaire. Qui, Odette? Maman Odette? Et tu sais, il va y avoir un cousin qui va envoyer les photos à maman Odette. Donc vous avez fini de préparer votre sac et à midi vous assemblez. Donc le groupe comprendra outre les Millepoix, Conan, Dumont, donc les 4 randonneurs que vous êtes, le monsieur que vous avez entreaperçu lors de l'escale de Stockholm, puis à Luleå, et qui a voyagé avec vous, donc l'Asiatique. Et donc, votre effectif est un effectif de 5, en plus du guide. Vous, l'excursion commence par une visite de son élevage, ça fait partie de la prestation. Donc il vous présente longuement comment il s'occupe de ses bêtes. Et je regarde fixement une des bêtes, une des vaches. Non, c'est pas des vaches, des rennes. Ah bah je regarde fixement... Il est éleveur de rennes comme... Je regarde fixement le bois d'un renne. Le bois, pourquoi le bois? Pourquoi la tête? Tu voulais péter son bois? Non, vous présente aussi ce que fabrique sa famille. Donc, ils font toute une série d'ustensiles traditionnels, des cuillères, des bols. Je regarde attentivement la cuillère. Ce genre de choses. Je regarde aussi... Non, je regarde plus attentivement le couteau. Pardon. Donc, il te dit, c'est un beau couteau de chasse. C'est une lame moderne. Mais j'écoute pas, mais je regarde attentivement. Je suis captivé. Et vers toi, Yoris, te dit, elle est pas chère, hein. Je la vends 450 couronnes. Je ne suis pas... C'est une lame au tungstène. Elle résiste à l'os. C'est fait ça pour... Ça pourrait être pratique pour se protéger. Ah, c'est bien pour aller en forêt. Mais excuse bidon. Mais c'est vrai, t'as pas vu? Il paraît qu'il y a un ours qui est venu chez nous. Bon, l'éventrail des céréales, des fois, t'as un budget de 500 couronnes. T'es prêt à lâcher tout ton budget pour le couteau? Non, même pas vrai. Moi aussi. Donc tu achètes son couteau. Sinon donc, je vais c'est te punir. Un couteau avec une lame. Ok, je vais te punir ce soir. Une lame moderne. Je m'en fiche. Finement ciselée, qui est enchâssée dans un manche en bois de renne. Je taille un peu le... Enfin non, je taille un os qui traînait par terre. Alors il n'y a pas vraiment d'eau qui traîne par terre, mais tu peux ramasser une branche. Je ramasse une branche et je... Tu vois que la lame, sans qu'il l'ait affûtée avec... lorsqu'il travaillait auparavant, vous l'avez vu affûter sa propre lame sur une pierre aiguisée. Là, sans l'avoir passée sur la pierre aiguisée, tu arraches un copeau immédiatement sur un simple coup. Tu as le morceau de bois en vis-à-vis qui vole. C'est une lame particulièrement efficace. Et quand il s'envole, j'essaye de casser le bateau en mode « Ninja !» Ouais, ça vole sous l'impact et c'est tout. Mais la première coupe était déjà impressionnante. C'est une belle lame. Il a pas peur des... Attention, lui, hein. Attention, c'est pas un... C'est pas un jouet. Je le range dans ma poche. Oui. Il a pas peur des ours, il a peur de moi. Not toy. Yes. It's not toy. Be careful. Eh? Be careful. Ah, be careful. Otherwise. Google Trad. Faut que tu sois prudent autrement. Yes. I will keep it. Yes. Autrement, je leur prends. Yes. J'ai compris, oui. C'est bien ça, la traduction est pas... Et là, je... Keep, c'est le garder, mais là, dans l'occurrence, comme il le donne, c'est je le reprends. C'est ça. Là, je dis, par contre, si vous me... Par contre, vous me rembourserez si vous le reprenez. I won't refund you. If you... are killing with such a knife, I won't refund you. Google Trad? Si tu fais l'andouille. C'est Adrien qui traduit. Si tu fais l'andouille avec ce schlass, il te remboursera pas. Ok, bah je fais pas l'andouille. Et là, le monsieur, oui, mais il y a des quand même, il maîtrise un minimum l'anglais, il en a besoin pour son travail. En attendant, le côté Père Noël du bon Samy quand il t'a dit ça, son visage s'est empourpré, ses yeux. On semblait grandir et tu as mesuré toute sa taille et toute sa carrure. C'était pas le gentil Père Noël, mais plutôt le bûcheron du Grand Nord qui te menaçait. J'aurais plutôt. Et sa voix avait pris une octave. Mais j'avais quoi comme autre objet? Une belle coupe pour boire la soupe ou savourer. Savourer des mets Sahami. Oui, c'est un bon objet, sympa. Des gilets? Une robe? Non, mais j'en rêve! C'est moi, je ne le connais pas! Des couteaux, des boutons. T'as dit couteau? T'en as déjà un. Des on a boutons. Joué club. Plein d'autres choses. Et je prends un caillou et je... J'essaye de déguiser la lame. Tu vas la casser? Non, tu vas abîmer ta lame. Bah, je la range. Et tu fais rien avec. I can sell you. Une pierre aiguisée. T'as plus de sous. £50 and it's yours. Je peux te vendre une pierre à aiguiser. 50. Et je retourne le caillou que j'avais. J'allais taper et je vois des. 50 couronnes. Ah, c'est. Ah, j'ai entendu pound. C'est crowns, ok. Alors, tu lâches tes 50 dernières couronnes. Ok. Et donc, je t'achète rien. Aiguisée. Je t'achète rien. Ouais, je sais. Attends, fais-moi voir ce caillou. Et je le retourne et je vois les signes. Des flûtes. Des signes dessus. Vous voulez une belle flûte? Oh! Une belle flûte. Non, merci, traditionnelle. Ça va aller. Un tambour. Non, merci. Un tambour en peau de reine. Non, ça va aller. C'est de beaux objets, mais. Un chapeau? Pourquoi un chapeau? Juste parce que j'ai pas pris de bonnet. Non, c'est moi. Pour protéger la tête. C'est moi qui en ai pas pris. Je l'ai. Non, moi non plus, j'en ai pas pris. Tu crois quoi? Ah, j'aurais cru que t'en avais pris. Donc après le passage. De tourisme économique où votre brave guide a empoché 500 couronnes pour un couteau et sa pierre aiguisée. Vous armez de bâtons de marche. Alors il veille au bâton qu'il vous confie, il regarde votre taille, il vous voit un petit peu boité. Non. Et il repart dans sa maison et revient avec une flasque. C'est-à-dire il en quoi les gens? Bah, ils sont gentils. Oui. Miam, miam, miam. J'en ai marre de manger des trucs que je connais pas ce que c'est. Bah, ils veulent que tu goûtes leur expérience. Du tout, je leur rends des trucs mal formés. Ça te donne un coup de fouet. C'est un petit peu acide, mais c'est comme une espèce de thé très très très très, très fort. Et le peu de fièvre qui reste, qui était revenu après les effets du médicament que t'avais administré le pharmacien, se dissipe aussitôt et tu te sens pleine d'énergie. Et tu sens plus du tout la raideur dans ta jambe, tu sens plus du tout la zone qui semblait complètement insensible sur ton genou. D'accord. Youpi. Ce serait pas de la drogue. Tellement ragaillarde. Ok. Il y a pas de traces d'alcool dedans. Non. D'accord, je suis pas bourré, merci. Non, c'est pas bourré. Merci. Vous prenez donc. T'as l'air super bizarre par contre. Vous prenez ensemble le chemin. Donc vous adoptez un ordre de marche. Manifestement l'Asiatique reste légèrement en retrait et souhaite fermer la marche. Adrien se tient derrière vous pousse tous les deux et tu ouvrirais la marche, Yoris. Ils sont mauvais. Oui. Non. Et donc devant bien évidemment votre guide. Donc vous partez depuis le sous-bois qui borde. On part dedans son ou on élevage. Part du. Vous partez depuis le sous-bois qui borde son élevage, donc ses rennes pâturent non loin de sa maison. Mauvais. Et vous engagez dans un petit chemin, un sentier qui est balisé par des planches de bois. Lui, il porte le vêtement traditionnel avec le pantalon en peau de renne, les bottines en peau de renne. Tout en peau de renne. Il pouvait proposer aussi des pantalons ou des chaussures, des bottines en peau de renne, j'ai oublié. Oui. Des bracelets aussi, avec des os et des pierres semi-précieuses. Oui. Non. Non. Je vais pas gaspiller mon argent. Et ça coûtait que mien. Les bracelets, 50 couronnes. Si, j'en ai encore un peu. Non. Non, t'en as plus. T'as tout dépensé. Ah oui, c'est ça, vrai. Ça sert à rien de dire j'en ai alors. J'en ai. Et pourquoi t'as dit 500 couronnes? Bah parce qu'au total, ça t'a fait 500 couronnes. 450 bah non, plus 50. Ah, 450, fait... j'ai compris 400. 450 plus 50, ça fait 500. Moi, je préfère. Si tu me demandes un truc, je te dirai non tout de suite. Non, mais t'inquiète, je voulais t'en donner. En revanche, sois malin, est-ce qu'elle est vraiment seule? Non. Donc. Elle a des gens dans sa tête? Non. Est-ce que t'es vraiment seule avec elle? Non, il y a d'autres gens. Et donc, logiquement, tu peux en faire quoi? La donner aux autres gens. Bah non, si t'as besoin d'argent. Demandez à moi-même, même si j'en ai plus. Je sais, je vais demander. Ah ben non, c'est qui? Pourquoi j'ai eu ce nom qui m'est passé par la tête? Je le connais même pas. J'allais dire Samael. Mais connais pas. On connaît pas. Et donc, vous engagez dans le sous-bois et vous marchez une bonne heure à l'intérieur de celui-ci. Vous avez tout autour des oiseaux qui pépient dans les arbres. Par moments, votre guide s'arrête pour vous désigner... le passage de ou la présence d'un nid avec une espèce de petit roitelet à la gorge toute bleue, un bleu aussi bleu que le ciel que vous avez trouvé au sortir de l'aéroport de Lille. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur bleu là-bas? Ou comme sa tunique traditionnelle, le même mais bleu. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur bleu? Le reste de la robe est d'un gris chiné. Mais ça commence à faire trop. Oui, mais je vais faire une overdose à la fin. Une overdose? Tu me vois déjà avec le masque. Vous apercevez quelques écureuils qui s'éloignent dans les hauteurs des épicéas qui bordent son exploitation. Puis la forêt évolue. Vous traversez plusieurs clairières. Et dans ces clairières, vous avez de grandes étendues... de tourbe amoncelée et colonisée par une prairie pionnière où, sur lesquelles émergent de magnifiques floraisons. C'est un arbre. Vous enfoncez donc dans de grandes zones découvertes, de grandes clairières où là subsistent que quelques arbres entre lesquels le chemin serpente pour vous enfoncez ensuite dans un bois plus dense. Où les épicéas voisinent les bouleaux. La forêt change quelque peu. Là, vous apercevez plus fréquemment des écureuils qui circulent entre les arbres bruyamment, qui bondissent de branche en branche le long du chemin, à peine perturbés par votre présence. Et vous marchez ainsi. Et on sait ce que faisait le Jap. L'Asiatique, il reste à l'arrière, il écoute. Le guide a la particularité de parler quelque peu français. Alors, ses phrases ne sont pas longues, mais vous dit... Ça, c'est boulot d'ici. On change. Là, vous verrez plus animaux. Vous, écoutez. Regardez. Pas de bruit. Parlez pas. Depuis tout à l'heure, moi, je parlais pas. Hein. Et donc, de temps en temps, lorsque vous venez à discuter entre vous, commenter, il vous intime de faire silence. C'est une marche qui est quand même physique, qui est éprouvante, parce que vous marchez sur des planches qui sont posées sur des linteaux. Elles sont pas clouées, elles sont juste posées. Et tout est fait d'évidence pour ne pas s'éloigner du chemin. À un moment, il vous invite néanmoins à quitter la sente pour vous approcher d'un magnifique champignon blanc bordé d'excroissance noire, et il vous dit ça, la pulpe, bon. Il émiette quelque peu les rebords de ce champignon conique blanc qui monte presque à hauteur de ton genou, il passe la main sur le bord noir, un noir intense. Et cela se dépose, lui, il avait ôté ses gants avant, et vous voyez que ça se dépose sur son doigt comme le ferait une confiture. Ça a la même consistance, et ça a le même aspect, ça semble presque collant à le voir, ça chatoie sous les rayons du soleil, et il le tend vers vous. Schmeck. On est mort. D'accord. C'est bon. Et je repousse son doigt. Coute. Nez. Boris. Joris. Tu goûtes? Non. Je suis assez logique, hein. Adrien, tu goûtes? Non, je suis pas assez. L'Asiatique se rapproche et really tasty. C'est vraiment bon. Et effectivement, c'est très sucré, très très fort en bouche. Ça presque un c'est de la truffe que l'on aurait fait caraméliser, quelque chose de cet ordre. C'est vraiment très bon. Peut-être que c'est vraiment de la truffe. Ben non, c'est... La truffe, c'est une forme Oui et non, puisque la truffe est une forme de champignon, mais... Ah, ça ressemble à ça. Donc c'est ça. Je vous propose ça qu'il a récolté. C'est de la goutte ? C'est des sortes de gouttes ? Ah oui, c'est une mélasse noire, et c'est cette mélasse noire qu'il vous a proposé, puis lui-même... C'est pas une lèche ce qui reste, et puis... Puis au moins, lui, il continue à en manger... L'Asiatique s'approche et en fait autant. Mmh. Ils ont quoi à manger des trucs bizarres ? C'est pire qu'on se régale. Il a ôté son masque et il a un visage souriant, pas de barbe. Il a là 35-40 ans, le teint lisse. Pas de maladie de peau, ce genre de choses, vraiment... Un teint un peu comme les personnages de manga, extrêmement lisse. Un regard très clair. Il a repoussé son masque, il l'a mis sous le cou pour manger. Mmh. Delicious. Je demande un peu dans un onglet... Bizarre. Voilà. Si c'est dessiner des mangas. Ah, non. Non. Et là, je lui montre mes dessins. You're well. C'est-à-dire quoi ? Je dessine bien. Fine. I make film. Ah, vous faites des films. Yes. Strange, very strange films. Des films vraiment étranges, non? Yes. Horror films. Ah, des films d'horreur. Yes. Et moi, je le regarde en souriant. I make ghost stories. Ah, ok. Very good. Et se tourne vers vous. I made a cure. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait les films d'horreur. I've made a Et c'est ce que j'ai bien compris ou c'est mon costume. Et je mets je remets correctement ma tenue et on reconnaît un peu un personnage d'un film connu. D'une rive à l'autre. My last picture. It's a story about a young man that is dead. But still live because he loves madly a woman. Mm. And as long as he is in love, he still lives. I am a look later. I am a look later. Non. Oh my god. Sorry. Okay. Did you have a coronavirus? Yes, he has. Oh my god. Do you have a coronavirus? Of course not. Hein? Raciste. Mais non, c'est juste que... Il a dit non, je l'ai pas. Bien sûr que non. Attends. Ok. Bien sûr que non. Puis j'ai la fièvre, mon cher. Je m'approche. Tu crois que le coronavirus, ça se regarde dans les yeux ? Je suis comme ça. Et là, je me mets à tourner autour de lui, comme ça. À lui toucher l'épaule. You want to eat mushrooms ? No. Et je me mets à tourner en essayant. They are tasty. You missed something. No. Ils sont bons. Tu rates quelque chose, tu sais ? Oui, je sais. I've already eaten this room, but there, there are maybe others. Et à ce moment-là, Steve dit, en route. Ok, I come in. En marchant, je continue d'observer l'asiatique. Donc vous restez autour de lui, tous les deux? Enfin, non, moi je continue de marcher en regardant. Ouais, il y a Adrien qui s'approche de toi. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est désobligeant ce que tu fais. Et c'est un gars, en plus, c'est un gars célèbre, ce qu'il dit. C'est un cinéaste. Je sais, mais je regarde pour savoir. Ah bah parce que tu vas voir s'il est malade. Il faudra une caméra thermique. Crois-moi, c'est pas comme ça qu'on détecte la maladie. Non, mais moi je veux savoir s'il connaît des choses que je connais. Ah, peut-être. Ouais, probablement, oui, il doit en connaître. Mais il doit connaître aussi beaucoup de choses que tu connais pas, mais ta vie, hein, comme ça. Non, mais je dis ça comme ça, je dis rien, hein, mais... Bah si tu dis quelque chose, je te le dis. Bah non, c'est une façon de parler, quoi. Oui, je sais. Je suis perdue bon. Dans ce que tu m'as dit. Allez, on va... Et il continue à avancer, le guide, là. On va... Et effectivement, il est loin devant avec... Bon. En train de discuter je avec l'Asiatique. Je pars au courant. Oui, on va le rattraper. Non. Et là, j'ai failli glisser, j'ai failli trébucher sur un caillou, mais je me reprends. Un peu plus loin, il s'arrête. il s'arrête avec l'Asiatique. Comme ça. Il est pensif. Non, il a le même air mauvais que quand il a dit que. T'as joué avec ton couteau? T'as joué avec ton couteau? Non. Et il observe un peu plus loin, à la lisière de la clairière dans laquelle vous vous trouvez, oui. Juste à l'entrée d'une forêt de bouleaux, oui. Il y a un gars, donc là c'est la fin de la tourbière, il y a des zones humides apparentes, des mares, et il y a un gars qui est assis sur un siège, et qui est en train de pianoter sur un ordinateur portable. Il a un kawaii, il est habillé en bleu, crâne dégarni, des lunettes, et il est en train de saisir quelque chose sur son ordinateur. Il a une petite boîte à côté de lui, plusieurs boîtes en fait, et un sac à dos. Moi je regarde, je continue de courir vers... Après être resté comme ça... le temps que vous vous en rendiez compte, il s'éloigne vers la personne que vous avez aperçue à l'orée, à la lisière de la forêt, et il va droit sur lui en beuglant. Bah moi je continue de le en suédois. Oui. Est-ce que tu prêtes attention à ce qu'il raconte? Tu traduis à tes. Oui, je vais traduire. Parce qu'il dit des cons, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fous là encore, toi? Putain d'emmerdeur! Tu ruines le commerce! Casse-toi! J'appelle les flics, sinon! L'autre baragouine, quelque chose qui vous est inintelligible par la distance. Allez, casse-toi ou je te ruine le portrait! Il arrive à hauteur de l'homme. Donne un grand coup de pied dans les boîtes qui sont dedans. Vous voyez un appareil photo qui vole, qui est projeté par... Mais il n'a rien fait de mal. Moi, je suis toujours comme ça. Rien fait de mal, et vite dit. Il lui donne une grande bourrade sur les épaules pour l'inciter à se barrer plus vite. L'autre ramasse, replie son ordinateur portable. Le Samy s'en saisit à pleine main et le projette contre un arbre. Vous voyez le portable qui éclate. Mais monsieur, ça coûte une fortune, ça! Rien à faire ici! T'es en territoire Samy! Casse-toi, estime-toi heureux de pas te retrouver en morceaux! Numéro de tes abattis, la prochaine fois, je te ruine le portrait! Qui, moi? Et, le gars s'éloigne par la forêt en courant... Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est un fou de merde! Il a fait quoi comme pour être ça? Il raconte des conneries. Quel type de conneries? Les histoires de soucoupe volante. Ah. Ouais, bah monsieur, vous n'étiez pas obligé de casser son ordinateur. Il a rien à faire ici. Il n'a pas le droit d'entrer dans le territoire Samy. Bah vous n'avez pas le droit de casser son ordinateur, ça coûte une fortune. J'ai le droit. Je représente le conseil des Samy. Mais si, j'ai le droit. Il n'y a rien à faire ici. Vous avez pas tous les droits, vous savez, monsieur. Pourquoi tu ne les as pas? Ah oui, je sais. C'est toi, petit bonhomme, qui va m'apprendre la vie? Bah non, mais juste, c'est pas gentil ce que vous avez fait. C'est pas une question d'être gentil, il a rien à faire ici. Point. Bah monsieur, je vous boude. Ah, boude? En attendant, la suite, c'est par là. Je le suis en boudant. Enfin, je croise les bras. En fonçant les... Enfin, en n'étant pas content. T'es pas crédible quand tu boudes. Tu sais ça? Tais-toi! Alors là, t'es vraiment un enfant d'un côté. Mais pourquoi je le serais pas? Dire que t'es au collège. Je suis qu'en sixième, de toute façon. T'as pas le droit de critiquer. Et par terre, lorsque vous rejoignez le lieu, donc c'est, monsieur vous a aperçu, vous trouvez ceci par terre sur un papier. C'est quoi ça? C'est un dessin de vaisseau spatial, je connais ça. C'est un vaisseau transporteur de Star Wars. Ouais. C'est en tout cas, c'est leurs affaires à eux. Je pense pas qu'il faille qu'on s'en mêle. Il a pas l'air commode, notre guide. Si tu le fâches, c'est lui qui nous guide jusqu'à l'endroit où on va cette nuit. Hein? Soit il va nous abandonner. Et vous marchez une vingtaine de minutes dans la forêt de bouleau. L'éclat de voix fait que vous voyez un peu moins d'animaux aux abords du chemin, ce qui a priori est jusque-là relativement normal. Et vous arrivez en vue d'une clairière où est suspendu ce qui ressemble à une soucoupe volante. Et qui constituera votre gîte pour la nuit. Oh, à cause de ces tarés et de ce class van du faux Suède, on a dû aménager le point d'étape, le gîte, en vaisseau spatial. Mais il n'y a rien qui se passe ici qui parle de vaisseau spatial. Hein. Allez pas croire ces inepties. Donc, pas de feu ici. Vous voyez, alentour, il y a des arbres. Il y a des arbres. Ici, il n'y a pas de pompiers. Hein. Si vous mettez le feu, ça brûlera pendant des jours. Ce serait être la frontière? Non. La réserve est une réserve protégée. On n'a pas le droit d'éteindre les feux. Une fois qu'un feu part, il doit s'éteindre de lui-même. C'est la loi. Donc, pas de feu de camp. Vous avez à l'intérieur de quoi faire réchauffer ce dont vous avez besoin. Un micro-ondes? Il y a un micro-ondes. Cool. C'est bon à savoir. Vous pouvez vous balader ce soir ici. Moi, je vous rejoins demain. Comment on fait pour monter? Vous avez une échelle de corde. Oh non, pas ça. Tout le temps. Je vous rejoins demain à 10h00. Faut que vous soyez prêts à cette heure-là. Ok. Mais on n'a pas l'heure, nous. Il y a une partie du séjour qui est libre. Vous entrez dans cette partie-là. Bon, moi je retourne à mes affaires. Désolé pour le contretemps avec Zancad. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. J'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce que vous aurez pas des autres. Plus de feuilles, puisque j'ai tout de suite utilisé. Ah, je peux te ramener un carnet si tu veux demain. Merci, monsieur. De rien, petit. Et j'essaie de monter en tombant. Il te fait un petit geste pour dire ouais, faut pas qu'on reste fâché. Tu boutes plus? Oui, ça dépend. Alors ça dépendra aussi pour les feuilles. Bon, ok, je boutes plus. On dirait mon petit-fils. Et j'essaie de monter sur l'échelle et je tombe. Aïe. C'est toujours dur ces échelles. Bon, il soulève. Et en fait, en soulevant un bout de bras, t'es relativement léger, il est assez grand. T'es déjà aux deux tiers du parcours et après, simplement grimpant comme un singe, tu te lisses à l'intérieur. Et vu que je suis super. Je suis plutôt agile, mais pas sur les échelles à cordes. Je commence à attraper des branches et jusqu'à aller à l'entrée du gîte. Et je saute pour aller à l'entrée du gîte. Youhou ! Merci, monsieur. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incursion dans une Suède fantasmée de 2020. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, moi aussi, puis. Moi aussi, j'ai trouvé ça sympa. Ça t'a plu? Oui, c'était trop cool. Par contre, c'était violent l'histoire de d'Ordi qui se balance contre l'arbre. J'ai pas trop bien compris. Mais j'ai une question, est-ce qu'on va utiliser des photos pour illustrer ou pas? Pour illustrer le personnage? Le personnage? Et moi je pourrais aussi. Est-ce que j'ai une photo pour te dire? Ah non, moi je voulais prendre mon dessin. Tu voulais mon dessin? Non, non, mon dessin que j'avais fait. Oui, je sais, je peux. Parce que c'est exactement le personnage, sauf qu'il a pas le même nom. Et justement, j'avais pris cette tenue pour. Parce qu'en fait, mon personnage, il adorait ce personnage-là. Il trouvait qu'il lui ressemblait, etc. C'est dans la vraie vie, mais bon. Si tu veux, pour la prochaine fois, ramener une photo pour ton personnage. Bah du coup, je peux te la... Non. Bah, après, papa, je peux te la... Par rapport à vos personnages, étant donné que dans le récit, vous êtes censé ressembler à deux lapins, toi, nous sors pas un truc de manga. Il y a déjà des impératifs qui ont été faits, d'une certaine manière. C'est un dessin de manga, tout à fait. Pas trop manga, quand même. Enfin, avec toi, je me méfie. Bah, ça peut être juste un dessin que j'ai fait, mais pour rendre stylé mon personnage, mais sinon, c'est les habits qui sont là que je porte. Là, je l'ai fait en noir et blanc, va falloir que je fasse les couleurs. Mais il est noir, le bas de son pull. Je sais pas si... Quoi ? Non, il est marron gris. Ok. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le contenu de la fiction, des choses que vous attendiez à avoir présentes dans celle-ci? Est-ce que vous avez eu une agentivité de vos personnages satisfaisante? Oui, moi j'ai essayé de prendre pas trop de place. Je sais pas si ça gênait, si je prenais trop de place. Prenez d'autres places ou pas? Moi, je ne dis rien. Je vous laisse apprécier. Moi, je sais pas, moi. Ça t'a pas gêné ? Bah non, mais pour moi, c'était comme des défis. Bah, sinon, je peux essayer de changer un peu et... Non, c'est bon, on joue comme ça, oh là là. J'ai rien dit, j'ai pas dit, ah, oh, c'est embêtant, j'en ai marre. Et surtout que tu fais exactement la même remarque à chaque fin de partie pour finalement jouer exactement comme les autres fois, donc c'est un peu... Hein, je vais changer... J'ai un peu d'inanimé. Mais j'essaie, c'est bon, c'est difficile. Ben, t'essayes, mais sans trop essayer. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être entré dans une forêt qui... Enfin, d'être entré dans une Suède qui est un peu différente, comme annoncé un tant soit peu le générique d'introduction? Bon, le premier générique, la Marseillaise changeait mille voix. C'est pas la Marseillaise, c'est l'hymne national suédois. Ah bah on aurait dit la Marseillaise. Pas du tout, mais c'est pas grave. Donc tu veux entendre l'hymne... Suédois. Suédois ? Ouais. Sur le côté, j'ai fait le dessin d'un robot. Waouh, c'est bien. Waouh, c'est bien. Waouh. Hé, mais je t'ai posé une question. Bah oui. Bah j'ai entendu. Tu disais juste waouh. Bah, c'est déjà une réponse. Bah non. Bah si. C'est une réaction. C'est pas parce qu'elle me plaît. Il m'a fait vraiment penser à la Marseillaise. C'est juste un hymne. Mais c'est pas du tout la même orchestration qu'à Marseille. Bah le début, ça fait un peu penser. Ensuite, la suite, ça commence... Désolée. Ensuite, ça commence à pas être la Marseillaise. La Macédoine, non, je rigole. La Suède libre. Les deux. Donc au-delà du générique qui altérait cette hymne nationale suédois, avez-vous perçu une dimension d'étrangeté dans ce que nous avons fait? Médicaments, médicaments. Par contre, le truc bizarre.